dans le champ acoustique, il y a un dédo. Où est-ce qu'on est ? Je vais changer de place. Ouais, mais les 1100 kW par contre, c'est bien, mais.